Chapitre 2e, un contraste. Nous avons dit qu'Édouard et Clotilde avaient cru s'aimer d'amour. Nous n'avons plus besoin d'ajouter qu'ils s'étaient trompés l'un et l'autre. Mademoiselle de Sancerre, esprit léger, tête plus légère encore, caractère aimable et même capricieux, aimait peut-être Édouard autant que le lui permettait sa nature. Mais depuis quelque temps déjà, Édouard s'était senti séparé de Clotilde par toute la différence morale qui existait entre eux. Élevé par la tendresse d'une mère idolâtre, le fils du lieutenant-général de Meran, bien qu'aussi brave officier que son père lui-même, était dans la vie privée un de ces jeunes gens sérieux et sensibles chez qui toutes les impressions sont profondes et durables. Or, la mort de son père avait été pour Édouard la plus cruelle impression de toute sa vie. Elle avait été assez vivement partagée alors par Clotilde, enfant toujours comblé des bontés du général, pour que le jeune homme espérât retrouver l'année suivante, chez la jeune fille, ce souvenir du cœur que la pensée d'un bal avait effacé. Une telle faute, ou plutôt une telle découverte, sans affaiblir précisément l'estime d'Édouard pour Clotilde, avait achevé de lui prouver que l'amour n'était qu'une illusion, et c'était pour commencer une rupture, devenue indispensable, qu'il avait cru devoir donner une leçon sévère à tant de légèreté. Tout en raisonnant ainsi, Édouard était arrivé à l'angle de la rue de Varennes et de la rue du Bac. 8 heures sonnaient à Saint-Thomas-d'Aquin. La neige abondante, qui était tombée le matin, couvrait le pavé d'une couche épaisse, durcie par la gelée du soir. Le jeune homme, sentant le froid se glisser sous les plis de son manteau, pressa le pas sur le trottoir, en se rapprochant autant que possible des maisons. Les deux rues, si encombrées dans le jour, étaient devenues désertes. Quelques piétons seulement les traversaient à la hâte. Rien n'indiquait plus la grande fête qui avait bouleversé tout Paris. Il y avait quelque chose de triste et de misérable qui faisait mal à voir dans cette couche de neige luisante et souillée, se perdant loin sous la lueur pâle des réverbères. Quoique ce spectacle fût assez en harmonie avec les idées d'Édouard, il ne put s'empêcher de frissonner d'horreur en le considérant, et l'idée des malheureux sans asile et sans pain par un temps pareil lui traversa douloureusement l'esprit. Au même instant, quelqu'un sortit d'une étroite allée et parut venir à lui dans l'ombre que projetait l'angle des deux rues. Il le laissa approcher et reconnut une jeune fille. Sa première impression fut du dégoût. Il fit un mouvement pour s'éloigner, mais l'attitude abattue de la jeune fille lui prouva bientôt qu'il se trompait, et sa pitié pour la malheureuse s'accrut du repentir de l'affreux soupçon qu'il avait pu concevoir. Il fit 2 pas vers elle, et la lumière d'une voiture qui passait lentement près d'eux lui montra le plus déchirant tableau. La jeune fille était vêtue d'un costume assez propre, et même un peu coquet. Mais c'était le costume d'été le plus frais et le plus léger. Une robe d'indienne blanche et bleue, point de châle, et un petit bonnet de tulle qu'un coup de vent aurait emporté. Aussi, la pauvre enfant, elle paraissait avoir 17 ans tout au plus, tremblait convulsivement et avait peine à tenir ses mains croisées sur sa poitrine. Toute sa posture était suppliante et ses yeux se levèrent à demi vers ceux d'Édouard, avec une expression pleine de douceur et d'angoisse. Cependant, ce dernier, considérant le bon état de ses vêtements, quelque étrange qu'ils fussent pour la saison, et son air beaucoup plus distingué que ses habits, craignait de l'offenser en supposant qu'elle implorait sa charité. Après avoir attendu un instant qu'elle exprimât ses intentions, la voyant garder le silence et détourner la tête en laissant échapper un sanglot, il se sentit plus attendri, mais plus incertain que jamais, et lui dit le plus doucement qu'il put « Que désirez-vous, mademoiselle? À quoi puis-je vous être utile ?» Cette phrase, que dans son émotion il avait arrangée tout exprès, de façon à ce qu'elle fût assez significative, sans avoir rien d'offensant, sembla frapper un coup terrible au cœur de la jeune fille et fit jaillir de ses yeux un torrent de larmes. Néanmoins, avec la résignation du désespoir et l'affreux courage du malheureux qui s'est trop avancé pour reculer, elle mit une de ses mains sur son cœur comme pour l'empêcher de briser sa poitrine et avança légèrement l'autre vers le jeune homme sans le regarder. Édouard avait à peine remarqué ce mouvement que sa bourse était dans la main glacée de la pauvre petite et qu'il se disposait à s'éloigner pour mettre à l'aise une si noble pudeur. Mais il n'avait pas traversé la rue que le son clair de l'argent sur le pavé lui fit détourner la tête. La bourse venait d'échapper aux doigts engourdis de la jeune fille et elle-même s'appuyait au mur, prête à tomber en défaillance. Édouard de Meran n'eut que le temps de revenir à elle pour la soutenir et l'empêcher de mesurer la terre. Il la conduisit, ou plutôt la porta, jusqu'à l'entrée de l'allée. Mais arrivé là, il la sentit s'affaisser dans ses bras avec un sourd gémissement. Elle était tout à fait évanouie. La perplexité d'Edouard fut extrême. Il se doutait bien que l'infortunée demeurait dans la maison dont ils occupaient l'humble entrée. Mais à quel étage? À quelle porte? Et comment le savoir? La quitter pour s'informer, il n'en aurait pas le courage. Lui donner lui-même des secours? Il avait déjà fait, sans le moindre succès, tout ce qui lui était venu à l'esprit. Appeler à son aide, n'était-ce pas trahir l'horrible secret qui étouffait la pauvre enfant? Cependant, il se voyait forcé de prendre ce dernier parti lorsqu'il entendit quelqu'un descendre précipitamment l'escalier sombre qui terminait l'allée. Il attendit avec anxiété et crut voir la jeune fille relever faiblement la tête comme à un bruit connu. Un jeune homme parut bientôt et, à la lueur de la lampe qui jetait un demi-jour dans l'allée, Edouard reconnut les modestes habits d'un artisan. Ce jeune homme accourut sans être appelé comme une personne qui va au-devant d'un événement qu'elle avait pressenti. À la vue de la jeune fille, évanouie, il poussa un cri, jeta sur Edouard un regard mêlé d'inquiétude et de méfiance, et se prépara à lui enlever, comme si c'eût été son droit naturel, le précieux fardeau qu'il soutenait. Il y avait dans cette scène muette et mystérieuse quelque chose de fantastique et de saisissant. « Êtes-vous son frère ?» dit Edouard à l'inconnu. « Oui, » répondit machinalement ce dernier, en cherchant à soutenir seul celle qu'il traitait en effet comme une sœur. Mais Edouard s'aperçut que le pauvre jeune homme, sans doute affaibli d'avance, fléchissait sous le poids. Il se rapprocha de lui, vit de grosses larmes rouler sur ses joues maigres et pâles, et commença à deviner la déplorable énigme que signalait cette double douleur et dont le mot devait être caché dans quelques mansardes de la maison. « Mon ami, » dit-il avec toute la discrétion dont la vraie pitié est susceptible, « si vous avez plusieurs étages à monter, vous êtes incapable de vous passer de mon secours. » L'artisan hésitait. « Monsieur, » balbutia-t-il en rougissant. « Il y a un point ici de monsieur, » reprit vivement Edouard. « Il y a une femme évanouie et deux hommes qui sont frères devant Dieu. « Laissez-moi vous aider et faire mon devoir, » ajouta-t-il, se parlant à lui-même, en pressentant déjà qu'une bonne action l'attendait là-haut. L'artisan ne balança plus, et les deux jeunes gens, soutenant sur leurs bras la jeune fille, montèrent silencieusement et lentement jusqu'au cinquième étage. Arrivés là, ils traversèrent un corridor étroit sans autre lumière que celle qui filtrait à travers les fentes d'une petite porte. L'artisan poussa doucement cette porte, et ils se trouvèrent dans une humble pièce, éclairé par une lampe qui brûlait dans une chambre voisine. Cette lueur pâle et douteuse, dans laquelle Edouard reconnut d'abord la gardienne fidèle de la souffrance, fut pour son cœur toute une révélation. « Vous avez un père ou une mère malade ?» dit-il à son compagnon. « Un père, » répondit celui-ci, sans cesser de prodiguer ses soins empressés à la jeune fille étendue dans un vieux fauteuil. « Ah !» reprit-il aussitôt, « la voici qui revient à elle. » Elle ouvrait en effet les yeux et son premier regard s'arrêtait sur Édouard de Meyrand. Elle le considéra d'abord avec l'air égaré d'une personne qui s'éveille et cherche à s'expliquer un rêve, mais bientôt, se rappelant l'affreuse vérité, elle cacha sa tête dans ses deux mains et se remit à fondre en larmes. « Bravo Marguerite !» dit l'artisan d'une voix émue. Ce mot redoubla la douleur de la malheureuse. Elle croyait y voir la preuve que son secret était connu. Édouard comprit ce qui se passait dans son âme et se hâta de raconter à l'artisan, de manière à être entendu de la jeune fille, qu'ayant vu par hasard celle-ci se trouvait mal à l'entrée de la maison, il s'était empressé de la soutenir jusqu'au moment où elle avait été secourue. À ce récit, qui épargnait tant de honte à la pauvre enfant, elle suspendit ses pleurs et remercia le jeune homme par un regard encore humide et empreint d'une douceur inexprimable. Édouard mit à la fois dans ce regard toute la grâce d'un charmant visage et toute la beauté d'une âme supérieure. À la reconnaissance de la jeune fille, se joignit celle de l'artisan, et le jeune homme, voyant qu'il n'avait plus de répugnance à lui laisser boire toute leur misère, leur en demanda l'entière confidence. Alors, tous deux le prièrent de les suivre avec précaution dans la chambre voisine. Édouard y entra avec une curiosité pleine d'attendrissement et de compassion, et bientôt son regard se voila de larmes à la vue du spectacle touchant qui l'attendait.